19e chapitre. Le secret de la naine. La naine courait sans s'arrêter, heurtant les passants, dérangeant les éventaires des marchands de fleurs, sourde aux invectives, aux sarcasmes. Elle ne s'arrêta qu'au moment où, prête à franchir la grande cour du banquier, elle vit se dresser devant elle un Suisse majestueux qui l'attira vivement par un de ses longs bras au moment où une voiture, attelée de deux chevaux magnifiques, allait sans nul doute l'écraser. Dans ce huit ressorts se trouvait une femme jeune encore, portant avec faste une toilette magnifique, mais qui, sous le masque d'orgueil dont elle couvrait son visage, paraissait cacher une persistante douleur. La naine la regarda avec l'expression d'une haine féroce, et la femme du banquier, rencontrant ce regard, ressentit une sorte de terreur. Alors, se penchant en dehors de la calèche, elle fit au Suisse un signe impérieux. « Vous savez bien, dit-elle, que je ne veux pas de mendiants ici. » La naine éclata d'un rire farouche. « Je ne viens pas demander, répondit le monstre. Je viens vendre. » Les chevaux emportèrent la voiture, et le Suisse, se conformant à l'ordre qu'il venait de recevoir, allait jeter la naine hors de la cour quand celle-ci, malgré sa petite taille, le repoussa vigoureusement et lui dit d'un accent qui fit hésiter le fonctionnaire de la porte. « Ton maître est ici, je veux le voir. Est-ce que tu crois par hasard, bibelot de foire et magot de marché, que mon maître reçoit les gens de ta sorte? C'est bien assez qu'il leur fasse l'aumône. N'as-tu donc pas entendu ce que je viens de dire à sa femme? J'apporte et je ne demande pas. Au surplus, si le banquier millionnaire ne donne pas facilement d'audience, sois sûr qu'il te chassera demain si tu ne m'aides pas à m'introduire près de lui. J'ai besoin de causer avec lui et je le verrai quand je devrais coucher dans la rue comme un chien et y attendre sa sortie. « Hors d'ici !» répéta le Suisse en frappant du pied, « ou j'appelle un sergent de ville !» La naine haussa les épaules, fouilla rapidement dans sa poche, en tira un vieux journal tout froissé, une affiche jaune coupée au pli, et demanda au Suisse « Sais-tu lire ? Je n'ai pas besoin de voir tes papiers. Parcours ceci, cependant. Il y va de ta fortune, peut-être. » La naine tendit le journal et l'affiche. Le Suisse lut quelques lignes, s'arrêta surpris, regarda la naine et demanda. « Eh bien, remets ces imprimés au banquier et dis-lui que la personne qui lui apporte ces nouvelles attend qu'il veuille la recevoir. » Le Suisse changea subitement d'avis au sujet de la servante de Mathusalem, et voulant à cette heure témoigner un grand zèle, il refusa de transmettre sa commission au valet de chambre, gravit l'escalier et demanda à parler lui-même à André Niçois. Quelque surpris que fût celui-ci, il donna ordre d'introduire le Suisse. Alors, respectueusement courbé en deux, la Mourelle dit, d'une voix dans laquelle vibrait une émotion assez bien jouée, « Monsieur me pardonnera de déroger à tous les usages en faveur du motif qui m'amène. Quel motif et que voulez-vous, la Mourelle ? J'ai pensé qu'il était inutile de mettre l'antichambre dans les secrets de monsieur. Mais je n'ai point de secret et je ne sais. Ah, je ne me permettrai pas de demander la confidence des chagrins de monsieur. » « Je veux seulement lui épargner le choc d'une surprise, d'une émotion. Finissez, la Mourelle, je suis pressé. »« Monsieur reconnaît-il ceci ?» poursuivit le Suisse en déchiffonnant le journal et l'étalant sur le bureau du banquier après avoir pris soin d'indiquer à Niçois du doigt l'article désigné par la naine. Le banquier étouffa un cri douloureux. « D'où tenez-vous ce journal ? Que voulez-vous ? Pourquoi raviver ?» C'est qu'il y a en bas une personne, mais achevez donc, qui apporte, dit-elle, des nouvelles à monsieur. Et cette personne vous a remis cette affiche, ce journal? Oui, monsieur. Pourquoi ne pas l'avoir amenée tout de suite? Courez, la Mourelle, allez, vite! C'est qu'elle est pauvre, difforme, hideuse. Et qu'importe, il y va de mon bonheur, de ma vie. La Mourelle sortit en courant. André Niçois, en proie à une émotion indicible, relisait le vieil article de journal que la naine avait conservé avec tant de soin. Il contenait ces lignes à la colonne des faits divers. Un horrible malheur vient de frapper une honorable famille. L'enfant de M. André Niçois a été volé pendant une promenade qu'il faisait sous la garde d'une jeune servante. Les efforts de la police pour retrouver le fils unique du banquier sont restés infructueux. On tremble pour la raison de la mère. « Oh, je me souviens !» dit Niçois d'une voix haletante. « Mon beau petit enfant, mon fils adoré, aurais-tu enfin la clé de ce mystère ? Vient-on me le rendre ? Me le rendre après 20 ans ? Qu'elle vienne, cette femme, qu'elle vienne !» En ce moment, la naine entra. Si disposé qu'il fût à voir une pauvresse, l'aspect de la servante de Mathusalem surprit le banquier. Il dissimula avec peine un mouvement de recul et de dégoût, mais le surmontant vite et désignant le journal à la naine, « Vous m'avez fait remettre ceci en ajoutant que vous aviez des révélations à me faire. »« Oui, » répondit la naine d'une voix brusque. « Eh bien, parlez, parlez vite, et soyez sûr que je ne serai point ingrat. »« Je vous ai fait remettre une affiche avec le journal. » »« Elle a rapport au même fait. Dites ce que vous savez. » « Je tiens au contraire à ce que vous relisiez auparavant l'affiche !» ajouta la naine. André Niçois lut à demi-voix. « Une récompense de 25 000 francs est promise à quiconque ramènera à M. Niçois banquier l'enfant qui lui a été volé le... »« Cela suffit !» dit la naine. « Vous avez bien lu 25 000 francs !»« Et je suis prêt à les donner, je doublerai le chiffre !»« Il suffira que vous soldiez la somme promise, seulement il faut payer d'avance !» « Vous vous défiez ?» demanda le banquier. « C'est une habitude !» répondit la naine. « Et si les renseignements que vous m'apportez sont insuffisants, ils vous mettront à même de voir votre enfant demain si vous le voulez. Vous avez des preuves, des documents ?»« Des preuves et des souvenirs, donnant, donnant. »« Savez-vous bien, dit André Niçois, que vous procédez avec moi d'une façon qui peut me causer de graves méfiances et que je pourrais vous faire arrêter. « Faites-moi arrêter, » dit la naine. « Que direz-vous ? Que prouverez-vous ? Je suis laide, difforme, pauvre. J'exerce le métier de servante aujourd'hui et l'on m'a montré dans les foires en qualité de monstre. Je n'ai cependant jamais rien eu jusqu'à ce moment à démêler avec la police. Chassez-moi ou faites-moi arrêter comme vous voudrez. Je ne parlerai pas avant d'avoir touché les 25 000 francs annoncés. » Niçois ouvrit un tiroir, compta 25 billets et les tendit à la naine. « J'écoute maintenant, » dit-il. La naine tira de son corsage un portefeuille graisseux et gonflé, puis des lettres, des passeports, du papier timbré, un amas de chiffons, de papiers couverts d'écritures de toutes sortes, illisibles, fantasques, et les éparpilla dans son tablier pour les prendre à mesure qu'elle aurait besoin d'appuyer son récit par un fait. « Vous êtes presque vieux aujourd'hui, » commença la servante, « mais vous avez été jeune, et à cette époque le cœur bat quand même. On devient banquier, on ne commence pas par être avare. Vous avez eu 20 ans. » Vous n'entassiez pas de l'or à cette époque et vous laissiez pâlir votre jeunesse. Vous souvenez-vous de Louise Michaud ? Le banquier tressaillit. Je vois que vous vous souvenez, reprit la naine. Louise Michaud était la fille d'honnêtes gens, sans autre patrimoine que leurs bras. Louise la blonde, comme on l'appelait, avait sa beauté pour dot. À quoi bon rappeler ce souvenir ? Fit André Niçois. « C'est de mon fils que vous devez me parler. »« Ne m'interrompez pas, » dit la naine. « Je raconte lentement, sans suite, comme je peux. » Le banquier se renversa dans son fauteuil et dit avec une résignation douloureuse. « Je vous écoute. »« Louise était aussi douce que jolie, aussi crédule que bonne. Comme elle ne savait point mentir, elle ne pensait jamais qu'on l'a voulu tromper. Un homme lui dit qu'il l'aimait, lui parla de mariage. » Fit miroiter devant elle un brillant avenir. Elle se regarda à partir de cette heure comme la fiancée de cet homme et... La naine se leva d'un bond et le bras étendu vers le banquier, elle poursuivit. Et cet homme avait menti. Cet homme, trouvant plus tard sur son chemin une riche héritière, oublia sa première et pauvre fiancée. André Niçois, N'est-il pas vrai que vous êtes un égoïste, un lâche ? » Le banquier ne se révolta pas contre l'insulte que l'ignoble créature lui jetait à la face. Il baissa le front comme un coupable, tandis que la servante de Mathusalem reprenait d'une voix rauque de sanglots. « J'ai dit que la famille de Loïse Michaud était honnête. Il n'y avait jamais eu de honte sur le nom de ces obscurs journaliers. À l'idée de lui imposer une première flétrissure, Loïse se sentit défaillir. Elle s'enfuit de l'honnête demeure où s'était passée sa jeunesse. Une seule créature, une seule, entendez-vous, a pris la vérité sinistre. Vous aviez été un voleur de réputation, de probité, André Niçois. Vous deveniez un assassin. » La naine s'arrêta un moment. « Un matin, reprit-elle, on trouva le corps de Loïse près de la rivière. Une branche avait accroché sa robe et le cadavre flottait parmi les herbes. Si vous aviez vu sa pâleur morbide, ses yeux glauques, ses lèvres violettes, ah, cela vous eût troublé malgré votre dureté de tigre. Mais cette même matinée, vous aviez vraiment bien autre chose à faire. Vous épousiez une opulente jeune fille et vous commenciez l'échafaudage de votre fortune. » La naine tira un paquet de lettres attachées d'un ruban noir, des papiers remplissant son giron. « Voilà vos lettres à Loïse, » dit-elle. « Les reconnaissez-vous ? » Le banquier répondit à voix basse. « Je les reconnais. »« Faites-en ce que vous voudrez aujourd'hui, » dit la naine. « Le dossier des preuves que je possède ne me servira plus à rien dans une heure. »« Mais, mon fils !» s'écria le banquier. « Ce que vous ne saviez peut-être pas !» reprit la naine en continuant son récit, sans paraître comprendre l'impatience du banquier. « C'est que Loïse avait une sœur. Dans la famille de Loïse végétait, honteux, louche, un phénomène de laideur, un être hideux, maudit, dont l'aspect faisait crier les enfants. » Sa mère et sa sœur la supportaient cependant, cette créature infime, mais en dehors d'eux, personne ne l'aimait. Or, il était venu une idée à ce monstre. Les hommes la fuyant, elle eût souhaité vivre avec les bêtes. Celle-ci l'aurait aimée, la trouvant plus près de leur race. Elle rêvait d'une ferme loin, bien loin, sur la lisière d'un bois, et dans cette ferme de grandes vaches rousses, de jeunes poulains, des bœufs aux pas lourds. Les villes la repoussaient, il lui fallait le désert. Le jour où Loïse entendit parler pour elle d'un riche mariage et se crut aimée par un homme opulent, elle prit à part la dédaignée, l'entraîna dans le verger et la prenant ses larges mains velues dans ses petites mains blanches, elle lui dit « Rose, un grand bonheur m'arrive, je vais épouser André Niçois. Ne secoue pas la tête, il m'a remis cette bague de promesses. « N'as-tu pas souvent admiré la position de la ferme des Huchettes ? Eh bien, cette ferme sera mon cadeau de noces. Tu y vivras tranquille, presque riche, et aussi heureuse, je l'espère, que tu peux l'être en ce monde. » Rose se jeta dans les bras de sa sœur, éblouie, suffoquée de joie. Comme elle s'intéressa à ce mariage, avec quelle curiosité avide elle questionnait Loïse. Sans doute, elle se réjouissait de la chance de sa sœur. Mais Rose avait son côté égoïste, personnel, mauvais, développé par la réprobation, le mépris, la crainte de tous. Ce monstre dont sa mère même se détournait parfois et pour qui une caresse était un étrange bonheur, ne vécut plus que par cette idée. Le mariage de Loïse me fera riche à mon tour. Les Huchettes seront à moi. Ce fut une phase de joie ambitieuse et folle dans le cerveau de cette bête, portant le nom de chrétienne et gardant un cœur de femme sous son enveloppe taillée à coups de serpe. Elle ne dormait plus, et quand ses yeux se fermaient, elle revoyait au milieu d'une campagne éblouissante les murs des Huchettes, les grands arbres et le petit cours d'eau. Comme elle questionnait Loïse, « Que t'a dit ton fiancé hier ? L'époque de ton mariage est-elle fixée ?»« Il veut t'attendre encore, » répondait Loïse d'une voix soumise, « et j'attends. » La naine chercha de nouveau un papier dans son tablier et tira une lettre de mariage imprimée qu'elle plaça sur le bureau, puis elle continua. Loïse attendit jusqu'à ce que André Niçois, qui lui avait juré de l'épouser dans l'église du village, se maria avec Mademoiselle Dufernoy, et quand elle eut cessé d'attendre, elle cessa de vivre. Vous avez la lettre de mariage. Voici le procès-verbal du garde champêtre constatant la découverte du cadavre de Loïse. » André Niçois chiffonna ses deux pièces d'une main crispée et resta un moment les yeux clos, perdus dans ses souvenirs. Quand il les rouvrit, il vit la naine debout en face de lui et le regardant avec une cruauté de bête fauve. « Rose, vous êtes Rose !» s'écria-t-il. « Oui, » fit-elle, « Rose, la sœur de la morte, et je jurais de la venger et de me venger en même temps. Que vous ai-je fait à vous ? Je ne vous connaissais pas. Ce que vous m'avez fait, et mes rêves de fortune, et la ferme des Huchettes, et l'avenir que Loïse m'eût créé si vous aviez tenu votre serment, je ne me fais point plus tendre que je suis. Je pleurais Loïse parce que souvent elle avait été bonne et compatissante, mais je pleurais aussi la fortune que vous me voliez. Ma haine grandit de ce double regret. Il me vint à l'idée de prendre une hache, une faucille, n'importe quoi, et de vous tuer un soir dans l'angle d'un champ. Je me dis que vous ne souffririez pas assez, et je cherchais autre chose. Enfin, un jour, j'appris que vous faisiez venir une nourrice. Dans votre maison, un enfant allait naître. Je tenais ma vengeance. Ce jour-là, je poussais de grands cris de joie sauvage. Je sautais comme une folle furieuse. J'allais vous punir, vous châtier. J'allais venger ma sœur sur votre femme, sur votre enfant. Je comprends, fit le banquier avec épouvante. La bête devint rusée comme un renard. Je surveillais les approches de votre maison. Je flattais les servantes en leur faisant croire que je lisais l'avenir dans la main. Le dogue en lui portant des os à ronger dans sa niche. Je ne me pressais pas. Mon travail était celui de la taupe. J'avançais lentement mais sûrement. Vous souvenez-vous d'avoir fait un voyage en Autriche ? Je me souviens, oui, je me souviens. Votre famille se trouvait en ce moment à Paris. Je surveillais votre maison, je suivis l'enfant, j'épiais la servante et un jour, profitant d'une représentation bruyante à laquelle se pressaient les enfants des Champs-Élysées, j'entraînai votre petit Roger à travers la foule, puis je le pris dans mes bras et je me mis à courir. Il riait d'abord, croyant à un jeu. Quand il voulut pleurer, je le montai dans ma mansarde. Je lui ôtais sa riche toilette, je l'enveloppai de haillons et je gagnai la campagne. Je courus à perdre haleine. L'enfant avait fini par s'endormir dans ses pleurs. Quand il s'éveilla, nous étions loin. Je le plaçai chez les paysans et je rentrai à la maison paternelle. On crut que j'avais fait une longue course aux environs et nul ne me questionna sur mon absence. Votre femme, folle de désespoir, vous écrivit, et quand vous revîntes, vous fîtes afficher une promesse de 25 000 francs à qui vous rendrait votre fils. J'hésitais. Avec 25 000 francs, je pouvais acheter les Huchettes. Cependant, la réflexion m'arrêta. L'enlèvement était trop récent, j'aurais éveillé des soupçons. Avant de me payer la prime, on m'aurait interrogé. Et pour vous avoir rendu votre fils, j'aurais eu des mois, des années de prison. Et puis, je vous l'ai dit, je voulais non seulement m'enrichir, mais encore venger Loïse. Et Roger ne rentra pas dans votre maison. Je me demandais souvent ce que j'en ferais. Il m'était impossible de le laisser longtemps où il était. Et je restais incertaine de l'avenir quand un incident décida de ma vie. Une troupe de saltimbanques traversa le pays à l'occasion de la fête patronale. Elle avait une femme à deux têtes, un Hercule du Nord, un veau à cinq pattes. Tous ces gens-là faisaient bon ménage, et comme attiré par leur charivari d'enfer, je me mêlais aux spectateurs regardant la parade. « Entrez donc et sans payer, me dit la femme à deux têtes. Entre confrères. » J'entrai, et au moment où finissait le spectacle, le paillasse se glissa sous la toile rapiécée de la baraque et me fit un signe. « Voulez-vous parler au directeur ?» me dit-il. « Pourquoi faire ? Il veut vous proposer un engagement. » Je ne comprenais pas encore très bien ce que cela voulait dire, mais je suivis le paillasse. Le directeur, un gros homme rougeau, ventru, bon enfant, me regarda de ses yeux et rit de ses 32 dents. « Parbleu, tu manques à ma collection de monstres, me dit-il. Combien veux-tu par an pour te montrer dans les foires ?»« Combien je veux ? » balbutiai-je. « Oui, 100 francs par an, ajouta Gondolfo, la défroque payée, une nourriture de princesse et de l'eau de vie à discrétion. « Ça va pour moi, répondis-je ébloui de cette perspective. « Mais l'enfant, tu as un enfant ? J'en amène un, du moins. Quel âge ? 3 ans. jolie, facile à dresser, blond, rose et mince. 20 francs par an pour l'enfant et tu signes un traité jusqu'à l'âge de 7 ans. Vous partez ce soir. Vous serez demain à Melun. Attendez-moi à Melun, j'y serai avec l'enfant. Je frappai dans la main de Gandolfo et je regagnai la maison. À la pointe du jour, je me levai. Une voisine écrivit pour moi un bout de lettre par laquelle j'informais mes parents de mon départ sans leur dire ce que j'avais l'intention de faire. Puis je passais à la mairie, demandais en votre nom l'acte de naissance du petit Roger. Le soir même, je pris la route de Melun et dans la nuit, j'arrivais proche des voitures des saltimbanques. Je signais mon engagement et celui de l'enfant. Les voilà. Misérable, misérable, fit André Niçois. Ah, je me vengeais enfin, reprit la naine. Chaque jour, j'assouvissais ma haine. Ce petit être sur lequel tu avais rassemblé toutes tes tendresses, toutes tes espérances, je le voyais dompter, battre, affamer à loisir. Il ne pouvait dire ce que je lui inspirais d'épouvante. Mais parfois, il tordait ses petits bras en répétant « Maman, maman !» Alors je le frappais en lui disant « C'est moi qui suis ta mère !» Et d'horreur, il se cachait le visage. La naine s'arrêta un moment pour savourer l'horrible désespoir du banquier. Puis elle reprit « Les souffrances physiques du petit malheureux n'étaient rien auprès de ses souffrances morales. Si l'on brisait ses membres, on empoisonnait sa mémoire, on infiltrait une corruption précoce dans son âme. Ses lèvres roses connaissaient le blasphème et son langage était un monstrueux tissu d'horreurs naïves. Cependant, le terme de mon contrat approchait. J'avais des économies. Mes voyages m'avaient mis à même d'apprendre plus d'un métier lucratif. Je refusais de rester dans la troupe et j'arrivais à Paris. J'allais enfin trouver ma vraie vengeance. Je découvris ton adresse. Je sus que le désespoir d'avoir perdu votre enfant vous avait jeté, ta femme et toi, dans le gaspillage et le bruit. Ta femme ne t'aimait plus. Ta tendresse pour elle gardait plus d'apparence que de sincérité. Tu en étais venu à n'avoir qu'un culte, l'or, qu'un besoin, l'or, qu'un amour, l'or, toujours l'or. On parlait de l'audace de tes opérations à la bourse. On vantait ton bonheur. Là-dessus, je savais à quoi m'en tenir et je ne te le jalousais pas. Je plaçai Roger dans un pensionnat modeste en lui recommandant le silence sur le passé. La frayeur le rendit plus discret que je n'osais l'espérer. Et chose inouïe, il travailla. Ses progrès furent rapides. Je subvins à ses dépenses, d'abord avec mes économies, puis en payant son éducation avec mes gages. « Tu te repentais donc ?» demanda le banquier. « Moi ? Tu vas voir. Je remettais au maître de pension l'argent nécessaire pour Roger, et je ne le voyais plus. J'aurais souhaité qu'il m'oubliât. Cela aurait arrangé mes plans. À 18 ans, il était bachelier. C'était une nature futée, perverse, malsaine. Cet enfant n'avait pas eu d'innocence. Cet adolescent n'eut pas de vertu. À l'âge où les autres jeunes hommes s'éveillent à la vie, il était mûr pour tous les vices, assez hypocrite pour les dissimuler, assez fort pour attendre leur satisfaction complète. Il voulait jouer dans le monde un double rôle. Honnête homme le jour, flibustier le soir. Insolent avec les uns, souple avec les autres. Il réussit à obtenir une situation enviée dans une maison honorable. Ah ! Fit le banquier avec une sorte de soulagement. Connais-tu la rue Gillecoeur ? Demanda brusquement la naine. Elle se trouve, je crois, du côté de la préfecture de police, répondit presque machinalement le banquier. Justement, je ne crois pas que tu y fasses souvent des acquisitions. Et je pense que tu achètes plus de diamants chez Falise que de ferraille chez Mathusalem. Si tu avais fait l'honneur à ce digne négociant de pénétrer dans sa boutique, tu m'y aurais trouvé, démarquant le linge, grattant les armoiries, quand je ne travaillais pas à la confection de la cuisine. Mathusalem est un cumulard. Il fait argent de tout. Vol, recel, fraude, table d'hôte, coucher à la nuit. À cette table d'hôte, je vis un jour apparaître Roger, ton petit Roger, devenu un beau garçon de 18 ans, et il tutoyait un voleur. « Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria le banquier en cachant sa tête dans ses mains. De ce moment, le fruit était gâté, mais le crime, le vrai crime, manquait dans sa vie. Roger s'acheminait vers la police correctionnelle. Il ne côtoyait pas encore le bagne. Il donnait cependant de grandes espérances à la bande, dont il devint bien vite l'affilié. « Je deviens fou !» murmura le banquier. « Je deviens fou !»« Pas encore, André Niçois. Nous touchons seulement au drame. Tu as eu pour ami dévoué, Monsieur Pomerel. » « Oui, pour ami. Et comment l'ai-je perdu ?» On accusa de sa mort son fils Xavier, que la loi a relâché depuis. Mais tes souvenirs te rappellent-ils que le commissaire de police chargé de dresser le procès-verbal de l'état des lieux, le matin qui suivit la nuit du meurtre, arracha de la main crispée de Liplap le chimpanzé une boucle de cheveux d'un rouge ardent ?« En effet, » balbutia le banquier. Il en concluait, et plus tard au débat l'avocat avec lui, que Jean Machu, qui fit ensuite des aveux, avait un complice. Mais Jean Machu ne se crut pas le droit de trahir celui qui lui avait apporté une aide sanglante. Et hier encore, le nom du second meurtrier était ignoré de la justice. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Monsieur Xavier Gracier est rendu à la liberté, s'efforça de chasser ses lugubres souvenirs. Mais un être n'oublia pas. La justice s'endormit. La bête se réveilla. Liplap, qui avait reçu un coup de couteau du complice de Jean Machu, se souvenait de son visage. André Niçois ne semblait plus avoir la force de suivre le récit de la naine. Sa face s'empourprait, ses yeux s'injectaient. La naine devait se hâter. Elle lui jeta donc ses mots au visage comme autant de blessures. Roger, sous le nom de Marc Mauduit, avait été le secrétaire d'Antonin Pomerel, et ses renseignements avaient donné à Machu, dit Radecave, l'idée de piller la caisse du négociant. Surpris tous les deux par l'homme, harcelés par la bête, ils tuèrent le premier et laissèrent l'autre pour morte. Nul ne soupçonna Roger. Moi, je savais, mais j'attendais encore. Je craignais de ne pouvoir prouver. La commune vint et Fleur d'Échafaud y joua un rôle sanglant. Je pouvais le faire fusiller, cela me parut trop doux. J'attendais toujours. Mais tout à l'heure, Roger passait rue de la chaussée d'Antin, travesti, méconnaissable pour tous. Or, pour Liplap, avec son merveilleux instinct, celui-ci, sautant dans la rue, lui donna la chasse, et ce manège amenant des représentants de la force, Fleur d'Échafaud, reconnue subitement par Xavier, vient d'être arrêté sous la prévention de complicité de vol et d'assassinat. Le banquier glissa sur son fauteuil et tomba lourdement à terre, frappé par une attaque d'apoplexie. Alors la naine descendit l'escalier en courant et cria au concierge « Un médecin, vite ! Un médecin ! Votre maître se meurt !» Puis elle disparut dans une allée comme un fantôme s'effaçant dans la nuit.